Mes textes n'ont quintessence, description explicite du ghetto. Quotidiennement la même haine qui nous anime. Putain, une sacrée pernité, les faibles craquent et finissent pendus. C'est pas un choix pendu, mais même pas on dirait que je suis condamné à clam, c'est ici merde. Je viens de Braza et là-bas c'est la merde. Ici mon rêve c'est ça, sortir mes frères de cette galère. Une vie de pacha, même si je dois pêcher. Les bottes des gens, j'irai pas lécher. Je battrai pas pour de simples bacchis. Je veux que l'on me connaisse en tant que black riche. Comme Cyril Ramaphosard, Doréno de blason, il faut ça. Pas finir dans le fossé, faut pas que je fasse fausse route. Je veux quitter le ghetto, pas le plus bléto, rendre mamie fariche et c'est tout. J'ai pas encore le profil mondialement reconnu comme Alfred Hitchcock. Mais je rêve de gloire, somptueuse villa. Pas que je finisse dans une bicoque, je veux pas baisser mon jean pour manger. Mon dieu pour pouvoir manger. Mon dieu pourquoi l'argent j'ai. Pas aujourd'hui, ça devient chaud. Ça devient chaud. 9-8. J'aurais beau tricher, fermer les yeux dans ma tête, monter des clichés. La vie que je mène est tachée, la vie que je mène est tachée. Tricher, fermer les yeux dans ma tête, monter des clichés. La vie que je mène est tachée, en plus dans ce net je fais tacher. Chaque jour je me lève avec la même arme pour combattre avec la même haine. Le quotidien, cette chienne de vie avec hardiesse, cette chienne de vie, texte lugubre. Martyr nous sommes, triste passé, triste futur. Et une envie si se mettre des coups de gun, shoot, shit, se tire dessus aux chiottes, la fraternité. C'est pour ça que je deviens misanthropé, méfiant envers les miens, comme Al Comics envers les siens, merde. Si je crache trop de jurons, c'est que sur la vie de mes frères j'ai juré. Plus de finesse dans mes actions, tant que des traites voudront m'enculer. Triste évolution, notre ethnie, notre étendard brûle comme un magma. Bientôt l'apocalypse, je serai le pire pour mes refs et mes mangas. Ici c'est pas un manga. Même si la vie a plus d'imagination que n'emporte nos rêves. Je suis antilope ça, écrit pour ne pas être à la dérive. Rêve de richesse, famille jean, faut que je perce son baisser mon jean. Ma clique et moi on percera et les jaloux des larmes verseront. J'ai le flow apocalyptique sur lequel mes vrais refrains danseront. J'aurais beau tricher, fermer les yeux dans ma tête, monter des clichés. La vie que je mène est tachée, la vie que je mène est tachée. Tricher, fermer les yeux dans ma tête, monter des clichés. La vie que je mène est tachée, en plus dans ce match je fais tacher. Quand des mots meurent, on voit les pleurs des mêmes mères, abattus par la même mort, d'un fils, d'une fille, d'une même père. Leurs yeux humides, des larmes partent, c'est pourtant parti d'un rien, pour arriver à un tout, mais ici, la vie c'est ça et c'est pas demain que cela va cesser. Tristesse, chagrin, ici la perte d'un proche épanche notre haine. Des mères qui deviennent épaves moralement après le décès d'un fils. Généralement ça laisse pas guec au pola le sèche. Je vois trop de malheur, vis trop de galère. La tête range comme la gangrène, même les esprits les plus lucides. Mes textes pas des parodies. Putain ici le pape vient pas parler. Nous sommes reniés comme des bourrelets qu'un obèse regarde amèrement. Amertume, désolation, tristesse. Narcotique, bruyantesse. Quand t'as une chance pas trop si fière, elle est infidèle comme une tasse. La vie cette connasse me porte trop l'œil. Donc moi je monte l'audace. Harcèle toujours les mêmes bites pour un jour faire tomber les liasses. Dans mon crew même convergence. Dans nos têtes trop d'émergence. Pour faire la maille et urgence. Apocalypse en effervescence. 9-8 Antilope ça Nicolas Apocalypse. Les gars du labo Maximum de phase 9-8 ATK. J'aurais beau tricher, fermer les yeux dans ma tête, monter des clichés. La vie que je mène est tachée, la vie que je mène est tachée. Tricher, fermer les yeux dans ma tête, monter des clichés. La vie que je mène est tachée, en plus dans ce bled je fais tacher. Tricher, fermer les yeux dans ma tête, monter des clichés. La vie que je mène est tachée, la vie que je mène est tachée. Tricher, fermer les yeux dans ma tête, monter des clichés. La vie que je mène est tachée, en plus dans ce bled je fais tacher. But as the world turned, I learned life is hell. Living in the world, no different from myself. Life I live, do you know how it is?